mon associé. Tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher. Oh. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. Oh, oh mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher. Oh. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. L'amour est comme un enfant chéri. Il est très fragile, je t'avais dit, maman. Si tu veux le conserver, fais très attention, maman. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très malheureux. Oh mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher, oh. Le, le. Malheureux. Oh mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher, oh. Thank you. Nino mo bari bayi la bila we Ake ali na jala we Bamo pafwa na bele we Bongo, bongo tala We yunga minyore sibe kumena Le bigile murotie Bongo tala oye li nande ampulo Bongo e, kote osi atansyo mo bari bayi la bila we le thème national Madimba, exécuté par le grand Manitou à Paris. Oh yeah! à Paris et de Paris à Libreville. Mama. mamusunda mishimopungu papa mamba mishimawambu.